pratiquer les phrases et répéter. Bonjour, André. Comment vas-tu? Bonjour, André. Comment vas-tu? Salut, Marité. Parlez-vous espagnol? Salut, Marité. Parlez-vous espagnol? Mon cours est à la faculté des lettres. Mon cours est à la faculté des lettres. Vous vous appelez Loulou ou Lulu? Vous vous appelez Loulou ou Lulu? Non, merci. Je refuse. Et vous? Non, merci, je refuse. Et vous? Oui, tu me le dis et je le répète. Oui, tu me le dis et je le répète.